cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. انتهينا في درسنا الأخير des trois points que العلامة الشيخ سعدي رحمه الله il a cité pour avoir une vie heureuse. لماذا il a cité ces trois points? لأن المنصوح أي cet homme qui a demandé un conseil à un de ses amis, لماذا لأنه il a été trompé par les kuffar et il a vécu avec eux et il avait une mauvaise opinion envers ses frères musulmans, envers les pays musulmans. Il a akhiré. Et la chèque annahu, il avait des a priori, il avait une mauvaise pensée. Enfin, an-nasih, Cheikh Saadi Huna Rahimahullah, qui conseille, et il lui a démontré anna usul al-ladhat. Et pour être heureux, il faut trois choses. Ne pense pas que en vivant chez les koufars, tu seras heureux, forcément. Ne pense pas que le bonheur, ça se résume au travail, à l'argent. Ça, c'est fahmun qasir. Et ça, c'est quelque chose qui contredit les textes. لماذا لأن المؤمن c'est un mu'min. لماذا لأنه إلى الإيمان. Et en tant que mu'min, on doit être sûr, avoir une conviction ferme. أن la plus grande ni'ma, c'est notre din. Le plus grand bienfait. Donc, ce qui nous rend heureux, c'est notre din. Ma dunya, c'est quelque chose. Ça peut être du bien, ça peut être du mal. فَلِهَذَا الشيخ رحمه الله, il a démontré أن أصول الذات, pour être heureux, trois points. رَاحَةُ الْقَلْبِ, traiter ce cœur, soigner ce cœur. بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ, بِالْإِمَانِ, la foi, بِالْعِلْمِ, la science, en apprenant son din, en apprenant les noms d'Allah, les attributs d'Allah Azza wa Jalla, en apprenant sa croyance, il a akhiré. Fal insan sa yatma'in. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Thaniyan al qana'a. Tout ça on l'a détaillé, on résume faqat avant de continuer. Al qana'a. Na celui qui veut être heureux qu'il fasse des efforts pour avoir hada al wasf al jamil al qana'a. Qana'a c'est se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Amma celui qui veut toujours plus. Kama huwa hal marda al-qulub min al-kuffar wa man tashabbaha bihim, annahum yabul toujours plus. Et on a cité des hadiths fi hadha al-bab. Si tu lui donnes un wad min dahab min mal, il voudra un deuxième. Tu lui donnes une montagne d'or, il voudra un deuxième. Tu lui donnes une deuxième, il voudra une troisième. Et iyadan billah, il a jamais ce goût, cette saveur, al-qana'a. Et il est reconnaissant envers Allah. Celui qui a le qana'a, même s'il a peu, khasatan avec le premier point, avec un cœur qui est plein de foi et de tawhid, il a akhiré, là tu le trouveras, c'est min as'ad al-nas. Et si tu rajoutes le troisième point, annahu, c'est ni'am, c'est bien fait que Allah lui a donné, il fait tout pour les utiliser, fi ta'atillah. S'il a plu, ou s'il y a un manque, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Et il place sa confiance en Allah et il est reconnaissant. Et il sait que certains, ils ont beaucoup moins que lui. Il sait que certains, ils ont été privés de certaines ni'am, comme la bonne santé, comme le din, alors que lui, il a ces choses. Il dit, alhamdulillah. Hada, c'est hal al-mu'min. Tout ça pour démontrer à hada, à shakhs, si tu veux être heureux, ne pense pas que c'est en allant chez les kuffars. Chez les musulmans, et applique hada, tu seras heureux fit dunya qabla al-akhir. Thumma, après avoir cité ce chapitre important, il a cité un autre chapitre. Qala muqaranun bayna hal al-mu'min wa ghayr al-mu'min 'inda al-masa'ib. Après avoir cité un chapitre sur comment être heureux, on a un autre chapitre qui est important, c'est une muqarana, une comparaison entre la situation du mu'min et du kafir, عند المصيبة. Pour montrer que le mu'min il est fi khayr. Pour montrer qu'on n'a pas le droit de te laisser cette ni'ma pour suivre les ennemis d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont les ennemis d'Allah? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Même s'il y a certaines choses, fi dunya, ils ont de l'avance, alhamdulillah, ce qu'on a, ça nous suffit. Mais courir après les koufars ou derrière les koufars pour ce plus qui te fera beaucoup de mal à ton din, c'est quelqu'un qui n'a pas compris son din. Illa celui qui a compris son din, il sait qu'il est à la khair, même dans ce point. Al-Masa'ib, c'est le pluriel de Musaïb. À une catastrophe, un malheur, un mal qui te touche. Fata ammalou la différence entre le mu'min et le kafir. Qala, thumma, idha atafna al-nazar ila al-tawari al-bashariya, التي لا بد لكل عبد منها وهي المصيبات التي تعتري العباد من الأمراض المتنوعة وموت الأحبة وفقد الأموال ونقصها ووقوع المكاره بمن تحب وزوال المحاب وغيرها من أنواع المصائب دقيقها وجليلها. هنا أولا avant de faire la comparaison entre le croyant et le kafir, هنا ينبه الشيخ رحمه الله أن الابتلاء لا بد منه. لماذا؟ لأن الله عز وجل nous a créé pour qu'on l'adore et il nous a créé pour nous éprouver. قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى il a créé le bachar pour هذا, pour الابتلاء, pour nous éprouver. ليبلوكم, pourquoi أيكم أحسن عملا. Qui sait qui va faire les meilleures œuvres? Qui c'est qui va patienter? Qui c'est qui va se relever après l'épreuve? Qui c'est qui va apprendre son din? Qui c'est qui va faire beaucoup d'adoration? Et là, akhir. Donc, et ça c'est très très important, et fil-haqiqa, ce point, il va le citer, Cheikh Saadi rahimahullah, on le citera, fil-haqiqa, ce point, c'est la différence, une des différences primordiales entre le mu'min et le kafir. Le mu'min, il sait que cette dunya, c'est une terre de passage. Il sait que c'est un passage. Et il sait que c'est une demeure d'ar al-mihan wal-fitan. Wa darun mal'ouna. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne les biens de cette demeure, même à ses ennemis. Ça prouve que cette demeure, la vie d'ici-bas, elle vaut rien عند Allah subhanahu wa ta'ala. Elle vaudrait quelque chose, il ne l'aurait pas donné, comme a déjà fait le hadith. Shorbat ma li kafir. Une gorgée d'eau, le kafir, il ne l'aurait pas eu. Si cette dunya, elle aurait de la valeur, indallah. Enfin, si on a ce principe, cette base, si on a moins de choses fait de dunya, on sait que ce n'est pas quelque chose de mal pour nous. Mais ça peut être un bien énorme. Et quand même, si tu as ce mubda et ce principe, demain tu tombes malade, tu perds un proche, tu perds de l'argent, tu subis une injustice, tu sais que c'est d'ardunya, ça passera. Ça passera. L'essentiel, c'est de ne pas être malheureux et éprouvé yawm al-qiyam. C'est ça l'essentiel. Amma, qu'est-ce qu'on va gagner si on est heureux et yawm al-qiyam, on ne trouve rien. Hal al-kuffar. Yawm al-qiyam, ils ne trouveront rien. Ils trouveront nar, ayyadam billah. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Toutes les années qu'ils ont passées vite dunya, comme Zakarna plusieurs fois le hadith, Anna, dès qu'il rentrera fin nar, il oubliera tout ce qu'il a eu comme bonne chose, comme bienfait fait dunya, il oubliera tout. Dès son entrée vinnar. Et le mu'min, dès qu'il rentrera fil jannah, il oubliera tout. Donc l'essentiel, c'est quoi? C'est l'akhirah. Celui dont la priorité, c'est l'akhirah, c'est l'au-delà. Fahadihi dunya, avec ses épreuves, avec ses injustices, il aura beaucoup, beaucoup plus de facilité à patienter. فلهذا قال تعتري العباد من الأمراض المتنوعة. أي dans cette dunya, les êtres humains, كافر ou مسلم, ils sont touchés par les maladies. موت الأحبة, la mort des proches. Fulani meurt, il perd ses parents. Fulani perd un enfant. Fulani perd un ami. وفقد الأموال, Fulani أحيانا il a de l'argent, أحيانا il perd tout, أحيانا il est ruiné, أحيانا il s'enrichit. C'est cette dunya. قال وزوال المحب وغيرها من أنواع المصائب. Donc c'est dar al-bala. Vu que dans cette demeure, tu as deux catégories de personnes. Al-mu'minun ou al-kafirun. Imma des croyants, imma des kuffars. Tu n'as pas entre les deux. Al-munafiqun, ils font apparaître l'islam, lakin c'est des kuffars. Enfin, tu as des croyants et des kuffars. Qala, et il va citer l'un les deux catégories. Ra'ayta al-mu'min haqqan. قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب وقد قام لها بارتقاب الأجر والثواب وعلم أنها تقدير العزيز العليم وأنها أقضيته صدرت من الرب الرحيم فهان عليه أمرها وخفت عليه وطأتها هذا حال المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن أي لو كان مؤمن إلى إتنه لماذا؟ بوكو قال إن أمره كله خير إلى دون خير دون طولك إذا أصابته ضر صبر فكان خير له S'il est touché par un mal, il patiente. C'est un bien pour lui. Comme ça y est, Inch'Allah. Ou in asabahu sarra shakara. Fakana khayrun lah. S'il est touché par un bien, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Il n'est jamais perdant, mu'min. Il n'est jamais perdant. Et ça, c'est une ni'ma azim. Si on reconnaîtrait cette ni'ma comme il le faut, jamais on serait trompé par les kuffars. Et jamais on désespère. On est à la khayr, à la kulli hal. Les pays musulmans, ils sont touchés par la sécheresse, amla. Naam. Ils sont touchés par des guerres, amla. Naam. Ils sont touchés par la pauvreté, amla. Naam. Malgré tout ça, on dit alhamdulillah. C'est un khayr pour le mu'mini. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Peut-être qu'il y a des choses, on ne voit pas l'utilité. Ben on déteste ces choses. Comme la pauvreté, comme la sécheresse, comme les maladies. Et peut-être que c'est un khayr pour nous. Et on va voir pourquoi ça peut être un khayr en lisant ensemble la parole de Cheikh Saadi. On répète qala ra'aita al-mu'min haqqan qad talaqqaha bi quwwatin wa sabrin wa ihtisab wa qad qama laha bi irtiqab al-ajr wa thawab wa 'alima annaha taqdir al-'aziz al-'alim. Dans ce passage, il a cité trois points. Trois points qu'on doit relever ensemble et c'est la cause de la réussite. Et c'est les principales causes pour patienter face aux épreuves. أولاً قال بقوة وصبر. La patience. لماذا؟ لأن tu n'as pas le choix. Tu as perdu ton argent. C'est نصيب. Peut-être des économies, des années, il a créé, tu avais des projets. Tu perds tout. Qu'est-ce que ça va changer de perdre tes moyens? Ça va changer quoi? Où est la chine? Qu'est-ce que ça va changer de penser, repenser, de faire du mal et d'ouvrir la porte à Shaitan? Si, le si dans ce cas-là, c'est ouvrir la porte à Iblis. Ouvrir la porte de ton cœur, Ntabi. Et si tu lui ouvres la porte de ton cœur, Iblis y rentrera, il habitera dans ce cœur, et il te détruira de l'intérieur. Ferme la porte, c'est perdu, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. C'est fait, c'est Allah qui a voulu. Avance. Fais les efforts. Retrouve de l'argent. Fais les efforts, fais le halal. Ça reviendra très vite. Dès que tu auras retrouvé l'argent, la première perte, elle est oubliée. Khalas, c'est fini. Tu en reparleras plus tard, Obama, en souriant. Alhamdulillah, c'est fini. Lakin la abud min madam, min sabr. Et ce sabr, il ne vient pas seul comme ça. Le sabr, il vient en travaillant. Le sabr, c'est comme un fruit. Et anta. Pour avoir des fruits, il y a un travail à faire. Il y a un arbre à planter. Somma, cet arbre, il faut l'arroser. Il faut le surveiller. Il faut le protéger contre certaines choses. Il faut des médicaments. Il y a un travail. À la fin, il y a un fruit. Ce fruit, c'est sobre. Regarde la patience. La patience, ça vient avec l'ilm. Ça vient avec l'étude du Coran Karim. Ça vient avec du'a. Ça vient avec dhikr. Ça vient avec l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient qu'avec l'étude de la biographie des salafs, qu'est-ce qu'ils ont subi, comment ils ont fait, tu vas voir que tu vas monter en degré fi sabr wa fi l'iman. Sabr, c'est lié avec la foi, avec l'iman. Hada awwala la patience. Qala wa ihtisab. Ça c'est important, al-ihtisab. Al-ihtisab, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une catastrophe, tu es touché par un mal, par un problème. Ihtisab al-ajr. Utilise cette épreuve pour avoir des hasanat. C'est ça l'ihtisab. فلهذا قال وقد قام لها بارتقاب الأجر والثواب. الحقيقة c'est une force عظيمة. C'est pour ça que الصالحون ils ne sont pas dérangés plus que cela par les épreuves. Bel quand il est éprouvé, c'est une force pour lui. Comme certains quand ils trouvent un travail ou ils ont trouvé un projet, un plan pour faire de l'argent, pour eux c'est une force, ils se précipitent pour ramasser de l'argent pour avoir des projets. Quand il est prouvé, il est prouvé, qadr Allah, c'est fait. Alhamdulillah, bal yashkur Allah kama sayati, et il en profite pour prendre des hasanat. Limadha li anna, quand tu es prouvé et tu patientes, tu es récompensé. Qala wa alima annaha taqdir al aziz al alim al qadar al iman bil qadar, la foi au destin. Si tu as ces trois choses, la patience, al ihtisab wal iman bil qadar, ma min ibtila, ça sera la perte d'un enfant. L'enfant, c'est une des personnes que tu aimes le plus, ou d'un parent, ou de tes biens, ou de ta santé. Si tu as ces trois points, tu tiendras le coup. Et tu sortiras plus grand de cette épreuve. Bi'idnillahi azza wa jalla. Al-Qadr, c'est important. L'imada, c'est important. Il y en a sept musibah qui s'est passé. Allah, il l'a décrété avant de t'avoir créé. Bel avant d'avoir créé les cieux et la terre. Bi'khamsina al-fasala. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, Azza wa Jal, il a tout écrit. Fi kitab mubin, inda Azza wa Jal. Tout est écrit. Fallait pas te faire du mal. Pourquoi? Mais si j'aurais fait. C'est écrit et c'est passé. Pense pas d'un iman au passé. Le passé, tu y penses dans un cas pour faire tawba. Ça, c'est important. Nous fait une grande erreur qui nous fait du mal, c'est on regarde derrière nous le passé pour se faire du mal. Mais si j'aurais fait, mais pourquoi tu m'as pas dit, mais on aurait dû faire ça. Et on ne gagne rien, on se fait que du mal. C'est passé. Là, regarde l'avenir. Les erreurs que tu as fait, ne le refais plus. Maintenant, si tu as fait une erreur, telle chose, et ça t'a fait du mal, tu as été éprouvé, enfin, la prochaine fois, fais pas cette chose. Regarde l'avenir. Amma, le passé, regarde pas, ça va te faire que du mal. Là, le passé, quand tu te retournes, c'est pour demander à Allah Azzawajal qu'il te pardonne. Et il y a une faïda adhima. Si tu demandes pardon, sincèrement, Allah il te pardonne. Tu as gagné. Al-Qadr, c'est très très important. Celui qui a had al-iman bil-Qadr, c'est yartah. Tout ce qui se passe, qadr Allah wa masha'a fa'al. C'est écrit. Qu'est-ce que je vais faire d'une chose? Elle est destinée. Si tu fais les esbab, ça ne veut pas dire qu'on se repose sur le qadar et on ne fait aucun effort. Là, on parle quand la chose elle est passée. Amma, quand elle n'est pas arrivée, on ne sait pas si c'est mine al-qadar. On fait les efforts. Amma, une fois que c'est passé, il n'y a pas d'effort à faire. Là, quand c'est passé, on a dit deux choses. At-tawba, si c'était une ma'asiyah, demande pardon, repends-toi. Thanyan, tire des leçons. J'ai fait telle chose, ça m'a coûté telle et telle chose. La prochaine fois, Inch'Allah, la même situation, je changerai. Et Inch'Allah, tu vas avancer. قال وأنها أقضيته صدرت من الرب الرحيم فهان عليه أمرها وخفت عليه وطأتها. Celui qui a ces trois caractéristiques, on répète à sabr. Bien sûr, le biquwa quwat iman. On l'a mis avec sabr. Mais on peut le mettre à part. Quatre points. Al-iman. Al-sabr. Al-ihtisab. Et l'iman bil qadr. Donc la foi, la patience, l'ihtisab, avoir l'intention, espérer être récompensé à cause de cette épreuve, ou plutôt grâce à cette épreuve, et la foi au destin. Ces quatre points, qu'est-ce que tu auras? Han alayhi amruha. Han alayhi, ça veut dire que sa situation, sa douleur, elle sera allégée. L'imad, on ne dit pas, quand il est touché par un mal, il va sourire et là, pas forcément. Il y a des choses, c'est tabi. Et il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, afdal al-nas, le meilleur des êtres humains, ala al-itlaq, alayhi salatu wa sallam, il a perdu son fils Ibrahim, il était triste, il a pleuré. Lakin, ma'hada, même si tu as cette tristesse naturelle, on ne dépasse pas les limites. Et on espère la récompense. Falihada qala, hana alayhi amruha. Ça ne veut pas dire que tu n'auras aucune tristesse là. Là, ça sera allégé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu son fils. Là, je sais qu'il était triste. Un jour, deux jours, Allahu a'lam kam. Thumma, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a avancé. Amma al-ba'd, il perd un proche. La tristesse, elle les pousse kadhalika à leur mort. Hada la yajouz, la yanbaghi. Allah, il est karim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a cité le verset, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. قال الشيخ سعدي رحمه الله أنلين فائدة que vous n'avez pas d'une autre risala, mais نعم رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. C'est un kitab nafis et on essaiera de le lire ensemble, inshallah. Et c'est une risala de Cheikh Saadi, et le même auteur, il explique l'Iman. Et compare l'Iman à un arbre, belle, il cite le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il compare l'Iman à un arbre, ثم هو, il détaille, il explique cet arbre avec ses branches, il a akhir. L'arbre, il a une racine, c'est la base de la foi. Et il a un tronc, un pilier, et il a des branches. هكذا l'Iman. C'est une risala navia. قال فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة فتأمل سلخس ومن يؤمن بالله يهدي قلبه celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala يهدي قلبه il va guider son cœur. Il va guider son cœur à quoi? Bien sûr, accepter la vérité, la foi, il a akhiré, et il va guider son cœur, son cœur, il va être satisfait de sa situation, même s'il est touché par une épreuve. Ce cœur, il va être en paix, et ce cœur, il patientera. Celui qui est touché par une musib, il sait que c'est min indillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a qadr. Même si c'est un ennemi, tu sais que c'est Allah qui a voulu. Mais cet ennemi, il est vaïf, il ne peut pas te faire de mal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété. Enfin, si tu sais ça, ça va t'alléger jiddan. Cet ennemi ne pourra pas te faire de mal. Que si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Qala, wa anna Allah hakimun rahim fi taqdiriha. L'importance de connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On connaît tous le mot, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, annahu rahim. Il est miséricordieux. Annahu, il est kerim. Il est généreux. Annahu, il est rafiq. Rifq, c'est la douceur. On connaît tous ces noms. Enfin, est-ce que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ton mal avec cette épreuve? Ah, peut-être. Et ça, c'est très très important et c'est une des différences entre le mu'min et le kafir. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. Si Allah il aime un peuple, il les éprouve. Ça montre que cette épreuve, c'est qu'Allah il t'aime. Al-Kafir, vous avez remarqué, quand il est touché par une épreuve, il se sent attaqué et il pense qu'on veut son mal. Il perd ses moyens et sa situation, elle est critique. Al-Mu'min, là. Hatta al-Kuffar, ahiyanan, quand ils perdent un enfant ou un de leurs enfants, il est touché par une maladie ou leurs parents, ils ont un kalam grave. Mais pourquoi? Mais il est innocent, il a akhiré. Ils n'ont pas l'iman. Amma nahnu dit alhamdulillah. Cette maladie, c'est une rahma. Allah, il veut notre bien. فلهذا قال الشيخ سعدي أن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده. Pourquoi c'est une rahma? Cette maladie. Maintenant, toi-même, tu peux tomber malade. Une maladie grave. Ayyad billah, un cancer ou autre. C'est un bien pour toi. Pourquoi? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est أعلم بمصالحك. On cite un exemple. Peut-être. On cite un homme ou une femme, ils sont touchés par une maladie grave, le cancer. Peut-être que ce cancer, ça sera la cause qui rentre fil Jannah. Il avait beaucoup de péchés, Allah il lui pardonne avec cette épreuve. Là, c'est une dure épreuve, c'est une maladie grave. Kadalik, peut-être qu'il sera en bonne santé, il aurait fait des choses très graves. Il serait parti à tel endroit, il aurait fréquenté un tel, jusqu'à qu'il s'égare. Cette maladie, elle est chez lui, préservée, affaiblie. Et ta'lamoun anna. Le malade, ces maladies graves, surtout bien sûr si c'est un musulman, il réfléchit beaucoup. Kathir minhum, ils font tawba, ils lisent plus le Coran, ils écoutent les conseils. Il sait peut-être que la fin, elle est proche. C'est une rahma, c'est pour son bien. Il est en pleine santé, il a de l'argent, il a arrêté. Obama, il tombe dans une refla, insouciance. Il sort, il rentre, il va à droite, il va à gauche, il fréquente. Hatta Obama, il meurt dans un accident. Al-Shar. Ils meurent, ils sortent de boîte de nuit, ou ils ont bu de l'alcool, ou ils ont pris de la drogue, ou ils sont avec une femme qui leur est illicite, et ils meurent à la hada al-hal. Peut-être qu'il est dans son lit d'hôpital, et peut-être que cette maladie, ça va être la cause de sa mort, mais peut-être qu'il va mourir en lisant le Coran, peut-être qu'il va mourir en pleurant, en faisant tawba. C'est une rahma min indillah. C'est pour ça qu'on ne doit jamais oublier ces noms. Allah, c'est l'alim, c'est le rahim. Et on place notre confiance en Allah. Amal kafir, qu'est-ce qu'il dit? quand un des leurs, mathalan, il a une maladie grave, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, oh le pauvre, il ne peut pas profiter de sa jeunesse, oh le pauvre, il est innocent, oh le pauvre. Et ils font du mal à ce malade et à eux-mêmes, et ils perdent tout. Il y en a un sou'oubman billah. Est-ce que Allah, il est injuste? Abadan. Qala Cheikh Sa'di, wa hadallahu qalbahu bi hidayatin khassa. Et Allah, il guide son cœur. La cause, cette épreuve. Avec quoi? Avec le rida, le sabr, le taslim, le tama'nina, comme taqaddam. On revient au matn. Qala Cheikh Sa'di, rahimahullah, fa innahu, idha fakkara fima fiha, ay, cette épreuve, min al-alam al-shaqa, قابلها بما تضمنه من تكفير السيئات وتكثير الحسنات. Et ça, c'est un point très très important. ورفعت الدرجات. Et cette épreuve, ça peut être des douleurs. Il m'a des douleurs corporelles, مثلاً une maladie. Il m'a des douleurs dans le cœur, la perte d'un proche. الشاق قابلها بما تضمنه من تكفير السيئات وتكثير الحسنات. Il sait si c'est un mu'min. Khasatan s'il est à la ilm, khasatan s'il n'est pas firafla, il n'est pas dans l'insouciance que dans le dunya, il saura que cette épreuve, c'est une occasion pour qu'Allah lui pardonne ses péchés et il gagne des hasanat et Allah il l'élève. Pourquoi Allah il a éprouvé les messagers avec les plus grandes épreuves? Ibrahim il a été jeté dans le feu, alayhi salatu salam. Ayoub il a été malade pendant longtemps. Des années. Youssouf, il a été emprisonné pendant des années, justement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait chasser de sa terre. Moussa, il s'est fait chasser. Il a ces épreuves énormes. Il les a élevées. Il les a élevées sur tout le monde avec ces épreuves. Enfin, si on a cette pensée quand on est éprouvé, enfin, vous verrez que ça changera beaucoup de choses. Et on peut citer un hadith Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma yazal al bala bil mu'min wal mu'mina. Ta'ammalu hadha al hadith wa ta'ammalu qawluhu ma yazal. Et ça montre que les épreuves pour le mu'min et le mu'mina, ça peut être des épreuves régulièrement. Il est éprouvé par la pauvreté. Thumma il arrive à relever la tête, une maladie. Il arrive à relever la tête, il perd un enfant. Hakada ba'd al mu'minin sont éprouvés. Est-ce que c'est un mal? Abadan. فتأمل هذا الحديث ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة سانغلوب لي كرويون اي لي كرويونت قال في نفسه وولده وماله et ces trois catégories d'épreuves elles sont dures sauf pour celui qui est ferme dans sa foi et Allah subhanahu wa ta'ala il ouvre les portes. Ça peut être une épreuve finafsi en lui-même, مثلا il a une maladie grave, مثلا il perd un membre, مثلا il perd la vue. C'est une épreuve très difficile, tu perds la vue. قال وولده أو une épreuve par rapport à un de tes enfants. إما يتم مالاد إما يمر إما قال وماله أو tes biens. Tu perds ta voiture ou tu perds ta maison ou tu perds ton argent. Ces épreuves, si le mu'min il est touché dans ces trois choses, قال حتى يلقى الله. تأملوا قوله ما يزال البلاء يقوله حتى يلقى الله. Ça montre que le mu'min s'il a un iman qawi, il sera éprouvé tout au long de sa vie. لكن c'est un bien pour lui. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Il rencontrera Allah سبحانه وتعالى ce mu'min. Vu que ces épreuves elles étaient régulières, il n'a aucun péché. Tout a été effacé. ففي الحقيقة ces épreuves, c'est comme si on te nettoyait. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. C'est masa'ib, et ça il faut bien le comprendre, quand on est éprouvé, c'est qu'on a fait une chose. Beaucoup d'épreuves, c'est à cause de nos péchés. Ces péchés, c'est comme si tu as été sali. C'est comme si tu t'es sali toi-même, avec une mukhalafa, avec un péché, avec un regard, avec une parole. Ces épreuves, c'est bimanzilat al-nadafa, al-tandif, pour te nettoyer. Enfin, tu te salis, tu mets une épreuve, elle te nettoie. Tu te ressalis, une épreuve, elle te nettoie. Hakada. Hatta ce mu'min, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, il a été nettoyé de tout. Lakin, il a souffert dans sa vie. Est-ce que c'est un khayr pour lui, amla? Non. Ce mu'min, il va vivre combien de temps? On enlève le sommeil, on enlève la période d'enfance, il a un khayr. Il va rester quoi? 30-40 ans, maximum. Ces 30-40 ans, il patiente. Il a l'éternité, il est fi khayr. Et quand Yawm al-Qiyamah est fil jannah, il oublie tout ça. C'est un khayr. Lakin, pour comprendre hada, il faut revenir à kalam ahl al-ilm. On dirait kalam Cheikh Sa'di, mukhtasar, on n'a pas fini, on n'a même pas lu la moitié. Kam min fawaid. T'apprendras jamais ça en ahl al-dunya. Ashab dunya, ils vont t'apprendre que le contraire. Ils ont peur de tout. Une maladie, ils ont peur. La pauvreté, ils ont peur. Ils pensent qu'au matériel. Tu vas apprendre l'ilm maintenant, tu veux faire des sacrifices, des efforts. Pour eux, là, c'est une mauvaise, un mauvais chemin. Et ils te feront peur. Fahdar. Pour patienter face à ces épreuves, il faut fréquenter as-salihoun qui vont te montrer at-tariq. Al-hadith, na'am, qu'on a rawah al-Tirmidhi, wa sahahahu al-imam al-Albani fi al-sahiha. قال الشيخ سعدي والتخلق بأخلاق الكرام والقوة والشجاعة ces épreuves, الحقيقة, ça éduque. حتى ton comportement, il changera avec les épreuves. قال وإذا أنهكت بدنه وماله رآها مصلحة لقلبه وروحه. Ça, c'est un point important. Un المؤمن, il regarde les bons côtés. Tu as été touché par une maladie qui te fait du mal à ton corps. مثلا سوء عيادا بالله نسأل الله العافية والشفاء لجميع المؤمنين qui sont touchés par un cancer, ça fait du mal à leur corps. Avec la chimio et l'akhir, ils perdent leurs cheveux et tu vois qu'ils sont affaiblis. Regarde pas que le corps. Il a des problèmes dans son corps et l'Obama il souffre, il a des douleurs. Lakin, n'oubliez pas le point positif. قال مصلحة لقلبه وروحه. Lakin, il est en train de nettoyer son corps, son cœur et son âme. C'est une ni'ma. Ce corps, de toute façon, il va partir. Tu peux faire ce que tu veux. Tu seras enterré et ce corps, il partira. Allah subhanahu wa ta'ala, il te ressuscitera. Et fil jannah, tu auras un corps, walillahil hamd, avec aucun problème, aucune maladie, aucun défaut. Donc ce corps, il partira. Autant qu'il parte, fi sabilillah, azza wa jal. C'est pour ça que min a'la darajat, c'est darajat al-shuhada, les martyrs. Limada, fi sabilillah. Il y en a leur corps, il est fi sabilillah. Ce malade, kadalik, il a été touché par cette chose. Enfin, son intention, c'est « fissabilillah ». Et vous verrez qu'il sera élevé en degré. Et son cœur, c'est son cœur. Avec de la lumière, avec de la patience, il est satisfait. Ou alhamdulillah. « Qala, fa'inna salah al-qulub bi-shukr lillah ala na'ma'ih, wa-sabri ala bala'ih, wa-antidar al-faraj min Allah, idha alammat al-mulimmat » Alammat al-mulimmat, s'il est éprouvé par des choses, par des choses qui lui font du mal, des catastrophes il a akhiré. قال واللجوء الى الله عند جميع المزعجات والمقلقات. نعم صلاح القلوب بالشكر والصبر وانتظار الفرج. Trois choses. الصبر تقدم معنا كذلك. Et ça c'est un niveau élevé في الحقيقة. الشكر. Il est éprouvé et il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on expliquera dans la phrase suivante, Inch'Allah. قبل هذا, on peut citer un verset muhim que le ulama cite beaucoup en expliquant ce point, et la patience face aux épreuves. قول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون وبشر الصابرين. Et annonce la bonne nouvelle aux sabirin. Ceux qui sabirin, c'est ceux qui patientent. Pourquoi ? Limada ? Les anna, cette épreuve, le haqiqa, ça leur efface des péchés, ça les élève en degré. Wa min awsaf, parmi les caractéristiques de ha'oula, c'est quoi ? Qala azza wa jal, alladhina idha asabatuhum musiba. Et s'ils sont touchés par une épreuve, par un mal, par une maladie, par la perte d'un proche, qu'est-ce qu'ils disent ? Qalu. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Cette kalima, on ne doit pas la dire hakada, automatiquement. Hatta al-an, c'est devenu, عند al-ba'd, c'est devenu automatique. Quelque chose qui se passe, ils disent inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est tayyib, lakin ça ne suffit pas. Il faut qu'on la dise et on comprenne. Ta'ammal qawlahu inna lillah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un kalam mouvid sur ce genre de verset. Inna lillah, ay, on est à Allah. On appartient à Allah. Ça veut dire quoi, hada? Ça veut dire que si tu perds cet enfant, la chèque, ça va te rendre triste. Et tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer, là, qui ne dépasse pas les limites, comme ils disent certains. Pourquoi on me l'a pris? Pourquoi lui? C'est très très grave, hada. Celui qui dit, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Celui qui l'a pris, c'est qui? C'est Allah. Cet enfant, il appartient à Allah, il ne t'appartient pas à toi. Anta, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette responsabilité et il t'a facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de le reprendre. Khalas, inna lillah. Si tu le dis avec avec cette ma'rifa, ça va te calmer, ça va t'apaiser. Tu vas accepter, inna lillah, cette bonne santé que tu as, مثلاً, tu perds la vue. واحد perd la vue, nas'alullah al'afiyah. Tu dis, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Cette vue, qui c'est qui te l'a donnée? C'est Allah. Allah, il a décidé de la reprendre. Il a repris une chose qui lui appartient. Donc on n'a pas à iyadam billah, se rebeller, mal parler, comme ils font certains. Inna lillah. Qawluhu wa ilayhi raji'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fais ce que tu veux, de toute façon, on reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne garderas pas ses vêtements, cet argent, ses enfants, tu ne garderas rien. On retournera tous à Allah subhanahu wa ta'ala nus, pieds nus, et on sera tous debout en yawm al-qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera tout le monde. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Si tu dis cette kalima avec cette compréhension, alhamdulillah. Lakin, il faut faire des efforts في التفقه خاصة في الأذكار, comprendre. وقال صلى الله عليه وسلم, on peut citer كذلك ce hadith, وعلم قال عليه الصلاة والسلام أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. لابد من الصبر. Si tu veux un nasr, si tu veux la victoire, que ce soit contre des ennemis ou contre une épreuve, لابد من صبر. كذلك الفرج, ça veut dire quoi الفرج? Maintenant tu as été touché par quelque chose, maintenant on garde l'exemple de la maladie, الفرج c'est la guérison. Enfin, qu'est-ce qu'il faut? Avant الفرج il y a الكرب. الكرب c'est l'épreuve. كذلك قال وأن مع العسر يسر. Quand tu as une difficulté, ne t'inquiète pas, ça sera suivi par une facilité. Lakin avant la facilité, il y a quoi? La difficulté. Donc c'est toute une histoire de patience. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في تفسير القرآن, لأنه, il a expliqué ce hadith, لأنه إذا كان منتظرا للفرج فهان عليه الصبر لأنه يؤمل أن الأمور ستزول وأن دوام الحال من المحال. Et ça c'est une chose que le kafir il n'a pas et qu'il n'aura jamais tant qu'il ne rentrera pas dans l'islam. Ce hadith il va aider le mu'min, لماذا? لأن المؤمن il a حسن الظن بالله. Il sait que cette catastrophe, ce mal qui le touche, cette difficulté, elle sera suivie d'une facilité ila akhir. Si tu as cette aqida, tu ne perdras pas tes moyens. Tu es malade, tu dis alhamdulillah. Tu sais que ça s'arrêtera. Imma avec la guérison, imma avec la mort. Si tu es guéri, alhamdulillah. Si tu meurs, alhamdulillah. Si tu meurs à l'iman, à l'akhir, dans ta tombe, tu ne seras plus malade. Et yawm al-qiyama, tu seras à l'akhir. Et tout, tu rentreras fil jannah, alhamdulillah. Tu seras gagnant dans tous les cas. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين لأنه إذا كان منتظرا للفرج هان عليه الصبر. Celui qui sait que ça s'arrêtera, c'est beaucoup plus facile à patienter. فلهذا من أشد العذاب يوم القيامة, pour le kafir, ça sera que sa patience elle sert à rien. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. Ça c'est من أشد العذاب. أنا le kafir, le mécréant, Yehoudi, Nasrani, Mouchri, quand il rentrera en enfer, la notion de patience n'existe plus. C'est très dur, Ada. Ma fille Daniel, hein, tu peux tomber malade, tu peux te faire emprisonner, tu peux te faire. On te prend tes biens, tu patientes et ça passera. Ma fille Nar, il n'y a plus cette notion de patience. On est des mu'minun, walillahi l'hamd. Ça doit nous faciliter. قال لأنه يؤمل أن الأمور ستزول. C'est pour ça que si tu es touché par une épreuve, il y a un patient, ça passera. Ça va durer un jour, une semaine, un an, 10 ans, ça passera. قال وأن دوام الحال من المحال. Ça c'est un kalam jamil. دوام الحال من المحال. Et la situation pour qu'elle reste toujours pareille, c'est pas possible. فلهذا si tu es dans une situation aisée et la akhira, attends-toi à être éprouvé. هكذا الدنيا. Si tu es dans une difficulté, attends-toi à une facilité qui vient. Alhamdulillah. C'est pour ça que on a expliqué, on a cité le cas des kuffars, le plus grand châtiment, ça sera qu'il n'y a plus de patience. Et pour le moment, mais la plus grande récompense, c'est que fil jannah, quand tu auras un bien, ce bien ne s'arrête plus. Il n'y a plus la notion de mal. Tu n'as que la notion du plaisir et des bienfaits. Alhamdulillah. قال فأقل الأحوال عند هذا المؤمن أن تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفرح والأطراح. المصائب, c'est les épreuves et la akhir, des catastrophes. Al-mahab, c'est les choses qu'il aime. Al-afrah, c'est les choses qui le rendent heureux. Wal-atrah, c'est le contraire. Ça a la même ma'na que le huzn. عند هذا المؤمن كي إيمان قوي فعنده تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفرح والأطراح ثم قال pour expliquer هذا الكلام il faut lire le suivant وقد تصل الحال بخواص المؤمنين إلى أن أفرحهم ومسراتهم عند المصيبات تزيد على ما يحصل فيها من الحزن والكدر الذي جبلت عليه النفوس أما المؤمن il est entre Massa'ib et Mahab, Afrah, Atrah. Et patient. Ahyanan il est content, ahyanan il est moins content, ahyanan il est prouvé, ahyanan il est faraha. Ou hakada il patiente, ou alillah ilhamd il est fikhay. Tu trouves certains mu'min, ils ont un niveau plus élevé dans la foi. Qala, anna afrahahum wa masurratihim inda al-musiba tazid ala ma yahsul fiha min al-hud. Anna ces mu'min, ces croyants, ces mu'minoun, quand ils sont éprouvés, ils sont plus contents, leur joie elle est plus grande que leur tristesse. Ils ont de la tristesse dans certaines choses. Maintenant, il perd un enfant. Il va être triste, il va pleurer. Lakin, il a de la joie plus. D'un côté, il a de la joie. L'imada. Il sait qu'il est dans une ni'ma. Il sait que cet enfant, c'est pour son bien. Peut-être qu'il serait resté fils de dunya, peut-être qu'il va s'égarer, peut-être Allahu alam bihali. Amma il est mort, enfant, il va au paradis. Alhamdulillah. Kadalik, cette tristesse qu'il a, il a akhiré, c'est des hasanat. C'est des hasanat. Kadalik, des péchés qui sont effacés. Kadalik, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que cet enfant est malade ou qu'il meurt ou que lui, il a une maladie, muhim, une catastrophe. Et yarda bi qada illa wa bi qadr. Il est satisfait, limada, li'anna Allah il a décrété. Si Allah il a décrété, c'est que c'est forcément un bien. Lakin ce niveau, c'est pas tout le monde. Ce niveau, comme a dit le Cheikh Saadi, c'est khawas al-mu'minin. C'est une catégorie de mu'minoun qui sont peu et qui ont atteint un niveau fil ilm ou al-iman et ils arrivent à patienter dans les épreuves. Ben, l'épreuve et ils arrivent à avoir shukr wa rida. Normalement, pour nous, on n'a pas atteint ce niveau, shukr wa rida, pour nous, forcément, c'est quand tu as une ni'ma. Tu es un enfant, enfin, tu es reconnaissant, tu es satisfait. Ils l'ont même fait mon sriba. Ils sont reconnaissants et ils sont satisfaits. Enfin, nas'alullah min fadli. À partir d'ici, il va passer à la deuxième catégorie. Naqraha, il reste un peu de temps. Qala fa'ayna hadhihi al-hal min hal man talaqa al-musibat allati la bud lil khalq minha bi qalbin munza'ij mar'ub wa khash'at nafsuhu al-mahina lima fiha min ash-shada'id wal-kurub fa baqiyat al-hasarat قال فبقيت الحسرات تنتاب قلبه وروحه وزادت مصائب قلبه على مصائب بدنه. Comment comparer cette première catégorie, les croyants, avec هؤلاء المجرمون المشركون. أنهم يسون في الشدة. Une épreuve. أحيانا c'est quelque chose de Alhamdulillah pour le mu'min, c'est plus que surmontable. Une épreuve. Et tu les trouves, ils sont في حالة نعوذ بالله. لماذا? Parce qu'il n'a pas de quoi repousser. C'est quoi qui va t'aider à tenir? C'est la foi, c'est la patience, c'est Al-Qadar, tu crois que c'est Allah qui a tout décrété, tu espères les hasanat, tout ça, ils ne l'ont pas. Comment ils vont patienter? Vous avez déjà vu leur état dans les hôpitaux, Ayyadam Billah. Vous avez déjà vu leur état quand ils sont en prison. Vous avez déjà vu leur état en état de guerre. Ils sont fi halana, Audou Billah. Détresse, suicide, pardon, ils perdent la tête. Il perd la tête, il perd l'aql. L'imad al-yana, il n'a plus rien à quoi s'accrocher. Il désespère. Et kathir minhum, ils mettent fin à leur jour. Amma al-mu'min abdan. Alhamdulillah, il sait que cette dunya, c'est de passage. Pourquoi ils mettent fin à leur jour? L'yana, ils pensent que c'est la seule solution pour quitter cette épreuve. Ils se disent, vu qu'hum la yu'minun bil-akhira wa bi'adab al-qabr ila akhira, fahuwa, vu qu'il est fichita, il dit, pour arrêter tout ça, il met fin à ses jours. Et il sait pas que fait la haqiqa. Il a envoyé lui-même son nafs, il a achadil adab. Et ça, c'est le fruit de leur kufr. قال ليس عنده من الصبر وارتقاب الثواب وما يخفف عنه الأحزان ولا من الإيمان ما يهون عنه الأجان. الأجان, c'est جمع الشجن وهو الحزن والغم. أي la tristesse, l'angoisse, إلى آخره. قال تعتريها المصائب فلا تجد عنده ما يخففها. C'est comme s'il était touché par un virus. Maladie grave, yadam billah. Et ce virus, il n'a aucun remède. Et il touche son corps. Ça va attaquer ses membres. Ça va attaquer tel organe, jusqu'à yahlek. C'est exactement hal al kafir avec le musiba. Au début, ça va toucher maintenant une maladie, ça va toucher ses jambes. Thumma, ça va lui toucher son cœur. Thumma, son ventre, hatta yahlek. Amma le mu'min là, son cœur, walillahi alhamd, c'est comme un bouclier. Et il patiente. قال القلب مليء من الهم والغم والألم والخوف السابق واللاحق قد ملأ نفسه. Ça c'est حال الكفار et حال من ضعف إيمانه par rapport à sa faiblesse dans la foi. هم وغم وألم dans son cœur. لماذا لأن il réfléchit trop. بعضهم ils sont malades, ils réfléchissent, حتى sa maladie elle s'aggrave. T'es malade, قدر الله, avance. Alhamdulillah. Et parmi les causes, on le répète, pour t'aider, pour aider chaque musulman qui est touché par une épreuve, maladie ou autre, toujours rappelle-toi qu'il y en a, ils souffrent beaucoup plus que toi. Toi, tu dis, alhamdulillah, j'arrive peut-être encore à tenir un livre, j'arrive à m'asseoir, alhamdulillah, je vois, certains, ils ont tout perdu avec les maladies. Hada, ça aide. Qala, wal khawf sabiq wal lahiq qad mala'a nafsa, na'iyadam billah. Peur du passé et de l'avenir. Il est angoissé. Et Yadam Bilal, il a had al-khouf limada, il pense à des choses qui sont passées, et kadalik à ce qui va venir. Et ça les rend encore plus malades. Amma al-mu'min là, on a déjà cité la situation, le passé, il ne regarde pas le passé. C'est passé, qadar Allah, il avance. Le passé, il regarde par rapport à ses péchés. Il fait tawbah, alhamdulillah. Ses péchés sont changés en bonne action. Il a tout gagné. Et il tire des leçons de ce qui s'est passé. L'avenir, il dit Allahu a'lam. Ils sont malades ou ils sont touchés par une épreuve et ils se projettent sur un, deux, mais comment je veux faire dans 2 ans, comment je veux faire dans 3 ans? Qui c'est qui t'a dit que tu allais vivre la fin de la journée pour penser à 2 ans ou à 3 ans? Amma al-mu'min, abadan, il se projette 2 ans, 3 ans, abadan. Allahu a'lam. Bala nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a cité le hadith plusieurs fois, kun fi dunya ka annaka gharib ou abir sabil. Wa idha aswahta fala tantadir al-masa wa idha amsayta fala tantadir al-sabah. Si tu es là le matin, n'attends pas le soir. Tu es le soir, n'attends pas le matin. Ça va t'aider. L'imada, maintenant tu es éprouvé. Une maladie, Allah, tu ne sais pas ça va durer combien de temps. Imagine un tas, tu penses dans ton cœur, tu te dis encore 5 ans à tenir. Ça va être difficile. N'importe quel être humain, c'est dur. Maintenant, un mu'min, il se dit, Allah, peut-être demain c'est fini. Ça va aller beaucoup plus facile. Le lendemain, il est venu, il est encore vivant. Peut-être demain. C'est ça la différence. قال القلب مليء من الهم والغم والألم والخوف السابق واللاحق قد ملأ نفسه فانحل لذلك لبه وانحطم عياذا بالله. Il perd tout. Même la raison, il la perd. لماذا؟ لأن les épreuves, c'est difficile, celui qui n'a pas de quoi repousser. قال وقد ضعف توكله على الله غاية الضعف حتى صار قلبه يتعلق بمن يرجو نفعه من المخلوقين. Et ça, c'est grave. Tellement sa foi, elle est faible. Ou si c'est un kafir, il n'a pas du tout de foi, il va essayer de s'accrocher envers certains des créatures. Il espère. Amma al-mu'min la. Tawakkul ala Allah. Si Allah, il a décidé que je serai soigné, je serai soigné. Même si les docteurs, ils ne font pas d'efforts. Et bien sûr, il faut faire les efforts, il faut faire les causes. Et à qui on parle, on a le tawakkul, c'est l'illah, c'est pas les asbab. Les asbab, on les fait. Amma tawakkul, c'est l'illah azza wa jal wahda. Et même si les docteurs ils font des efforts nuit et jour, peut-être que je ne serai pas guéri. C'est ça le mu'min. Amal kafir là, il voit qu'une chose, elle n'avance pas trop, il perd ses moyens, il pense que c'est la cause qui va l'aider. Et ça c'est grave. Très très grave. Ça fait du mal à cet être humain. قال فيا لها من مصائب دنيوية اتصلت بالمصائب الدينية والخلقية وتراكم بعضها فوق بعض حتى صار عنده أعظم من الجبال الرواسي. صحيح. Toutes ces catastrophes, son corps il est touché, son cœur il est touché, son dîne il est touché, son comportement il est touché, il a rien, c'est comme s'il était au milieu de l'océan et il est en train de se noyer. Il a rien sur quoi s'accrocher. Falihada, Cheikh Saadi l'a expliqué, Ka'anna al-jibal, al-rasiyat, al-jibal al-rawasi, elles étaient sur lui. C'est comme s'il portait des montagnes. C'est trop dur. La base elle n'est pas bonne. لأن إلى قد قوة لأسباب صنبابهم. قال فوالله لو علم أهل البلاء والمصائب بما في الإيمان والروح من التسلية والحياة الطيبة لسارعوا إليه إلى جوري رحمه الله والصدقة أن والله لكفار. وكذلك ceux qui imitent les koufars et qui font des péchés beaucoup et qui se sont écartés du dîme pour soi-disant être heureux, s'ils savaient ce qu'il y a comme remède fil iman, kadhalik qu'on peut rajouter l'ilm pour pouvoir patienter face aux épreuves, wallahi, ils auraient acheté, s'ils pourraient, ils auraient dépensé tout leur argent pour avoir ces choses là qu'ils n'y peuvent pas. Al-hidayah c'est biyadillah, azza wa jal. Là, tu trouves des, comme ils appellent, des célébrités, millionnaires, milliardaires. Ayyadun billah, hada, il est alcoolique, hada, il est drogué, une dépendance ajiba, hada, il a perdu la raison, hada, il est dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que ça leur fait, leur amour? Rien. Ben, c'est des autres gens qui profitent de leur argent. Et hum, certains, ils sont jetés dans des hôpitaux. Ha'oula, ils seraient la raha que talabat al-ilm, ils ont. Et que le mu'minoun, walillahi alhamd, khasatan as-salihun, ils ont avec ce iman, ils n'auraient pas hésité une seconde. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikma. Qala, walau fi hada al-hal allati hum fiha muttarrun ila ma yukhaffifu anha alamahum wala yajidunahu illa fil iman as-sahih al-haqiqi wa ma yad'u ilayh. Ces remèdes, ces causes, on ne peut les trouver que dans le dîn. Il n'y a pas d'autre solution. Donc pour être heureux, la conclusion de tout cela, Akhil Karim, pour être heureux, la seule solution, c'est le dîn. Il n'y a pas d'autre solution. La solution, ce n'est pas le confort. La solution, ce n'est pas le travail. Le travail, c'est une cause pour manger, pour boire. Certains, ils travaillent dans ça, d'autres, ils font du commerce. C'est une cause. Comme il y en a, ces travails, ils sont malheureux. Et on ne dit pas qu'il ne faut pas faire les causes. Il faut faire les causes. Mais qu'ils ne pensent pas que c'est ça, la base. Là, ça, c'est une chose pour t'aider. Crois pas que être heureux c'est vivre dans tel pays. Crois pas que tu vas vivre dans un pays musulman, khalas. Tu vas être pauvre, tu vas tomber malade, ba'dannas. Hada ça arrive kadiran. Ils sont conseillés pour faire les hijras. Vous avez remarqué, une des premières choses qu'ils citent, c'est les hôpitaux. Man qala lak, qui c'est qui t'a dit que t'allais tomber malade? Awwalan. Thaniyan, si tu tombes malade, qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Les musulmans, il n'y a pas de malade. Beaucoup de musulmans, ils sont malades. Alhamdulillah. Certains, ils se soignent, certains, ils font des efforts, certains, ils patientent. Lakin ndur ash-shaytan. La, fais pas l'hijra, tu vas tomber malade. Man qala lak? Ba'd al-ikhwan, alhamdulillah, des années ils ont fait l'hijra, pour l'instant ils sont jamais tombés malades. Dès qu'ils tomberont malades, tu regardes. Les masakin, ils savent pas, même si tu as fait l'hijra et tu tombes malade, yajouzu lak de rentrer vu l'alcool pour te soigner. Mal ben, si tu rentres pour te soigner, t'as fini, tu viens. Si tu trouves pas le remède dans bilad muslim ou tu as pas les moyens, qui c'est qui t'a empêché? Lakin c'est shaytan. C'est shaitan. Pardon, les hijra, ils pensent directement à l'argent. Mais comment tu vas faire? Okay, comment je vais faire? Comme j'ai fait vivre l'alcool, je vais faire vivre l'al-muslimi. Et aïna l'ishka. Lakin, ça vient de shaitan. On conclut hada avec une nasiha importante pour se renforcer dans ce bab face aux épreuves. Il faut étudier la biographie du prophète alayhi salatu wasalam. Qu'Allah nous facilite. Un de nos prochains dorous, on essaiera de faire sur la biographie du prophète alayhi salatu wasalam. Kadhalik la biographie des salaf. L'imad aliyana, en étudiant la vie de Ha'oula, ça va te renforcer. Maintenant, fréquentant khasatan à notre époque, kadbu'afa, ou beaucoup de péchés, beaucoup de massa, et voilà, chakana, c'est difficile. Maintenant, revenons à Ha'oula, ça va nous faciliter jiddan. Ta'ammal qawl al-qadhi, shurayh, rahimahullah. On peut citer un exemple. Dhakara hadha al-kalam al-imam al-wayhaqi fi shu'ab al-iman, rahimahullah. القاضي شريح اللي معروف c'est un juge رحمه الله من الصالحين قال اني لا اصاب بالمصيبه فاحمد الله عليها اربع مرات. Il a dit je suis touché par des épreuves, et quand je suis touché par une épreuve il disait alhamdulillah, ou il était reconnaissant يحمد الله quatre fois, pas qu'une fois, quand il était touché par une épreuve. تاملوا هؤلاء comme ils réfléchissaient. Et c'est ça le but, نحن de lire ce genre de kalam pour nous inspirer de Haoula, essayer de les suivre. Qala rahimahullah. Donc les quatre choses, c'est quoi? La première, ahmaduhu idha lam takun a'zam mimma hi. Awalan, il était reconnaissant quand il était touché par une épreuve, que ce n'est pas une épreuve plus dure qu'il a touché. Maintenant, il a été touché par, il a perdu, on dit une somme, maintenant il a perdu 1000 dirhams. 1000 dirhams, c'est beaucoup ici. 1000 dirhams, bah, nas, ça leur fait beaucoup de mal. On peut monter 10 000 dirhams. On peut monter 100 000 dirhams. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il faisait ou quand il était touché par ce genre d'épreuve? Alhamdulillah que j'ai pas perdu plus. Sahih, tu as perdu 100 000, peut-être que l'insel avait 200 000. Tu aurais pu perdre les 200. Il dit, alhamdulillah, j'ai perdu que 100 000. On voit comment ils allègent pour eux-mêmes. Contrairement à notre époque, mais pourquoi j'aurais dû, pourquoi moi, il se fait que du mal. Les 100 000, elles sont parties, ou les 10 000, tu ne les retrouveras plus. Illa yasha Allah. Deuxième point. Wa ahmaduhu idha razaqani sabr ala hadhi al-musiba. Kanahu jawliyam. Wa ahmaduhu idha razaqani sabr aw alayha. Na'am. Ay, il disait, alhamdulillah, il était reconnaissant, an Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé, il lui a donné le sabr qui va avec. Al-Qadi Shuraih, avec ces deux points, alhamdulillah déjà, il lâche qu'il fera face aux épreuves. Troisième point. Wa ahmaduhu idha waffaqani lil-istirja' lima arju fihi min al-thawab. Kadalik, il disait, alhamdulillah, que j'ai pensé, j'ai dit, inna lillah wa inna ilayhi raji'u. Comme fil aya qu'on a cité au départ. Et en disant, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, la shakanahu, il espère la récompense. Et il sera récompensé, et kadalik Allah, il lui efface des péchés. Donc, il est reconnaissant envers Allah. Vous avez compris pourquoi maintenant, tout à l'heure, on a dit, anna ba'd as-salihin, ils sont touchés par une épreuve, wa yashkurun Allah. Et ils remercient, ils sont reconnaissants envers Allah d'avoir été par cette épreuve, ça leur fait monter leur hasanat et ça fait descendre leur péché. Shukrun. Quatrième point. Wa ahmaduhu idha lam yaj'al hadhi dini. Et ça, c'est parmi les points les plus importants. Il disait, alhamdulillah, que j'ai pas été prouvé dans mon dîn. Je fais salat, j'apprends l'ilm, je fais pas de shirk, je fais siyam. Alhamdulillah, c'est une épreuve dans ma santé ou dans mon argent. Alhamdulillah. Et c'est ça qui fait monter la foi et qui nous aidera à nous accrocher plus. Wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, musibatun tuqbil biha ala Allah khayrun lak min ni'matin tunsika dhikra Allah. Kalamun jamil. Musibatun tuqbil biha ala Allah khayrun, et c'est mieux une épreuve qui te pousse à te réformer, à faire tawba, à demander à Allah pardon, azza wa jalla, ila akhirah, c'est mieux qu'une ni'ma tunsika dhikra Allah, qui t'éloigne du dhikr, qui t'éloigne de la salat, qui t'éloigne du ilm, matalan de l'argent. Ba'danas, ils pensent que l'argent c'est forcément du bien. Mais l'argent ça peut être une fitna kabira pour toi. Ba'danas, à cause de l'argent, à cause du travail, ils font plus salat. Ils ne font pas salat à l'heure. C'est une musiba. Ba'danas, ils sont tombés malades, ils ont fini à l'hôpital, ils font salat à l'heure. Le haqiqa, cette maladie c'est un khayr pour lui. Lakin akthar an-nas la ya'lamun. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wal-afiyah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين